Fais ma musique et qu'on parle, tu veux me prendre pour une pute. Ma mère c'est la Puma, comme j'aime qu'elle serait pas un produit. Toi tu souffres pour une scène, t'es qu'une salope, nous corserons. Elle nous sait toujours soldat, t'es sur la scène, tu te siffles. J'suis pas sûr que ça m'a sauvé, défile ton visage, faut t'arrêter. C'est pas la Puma, faut tu accroches le cœur, paquet de cigarettes. De toute façon, moi j'suis bon qu'à ça. Écrasé, c'est pas là. J'les vois comme bon castel, j'en ai déjà 426. À moi j'me suis rabattu, crois pas que j't'ai pas vu. J'suis toujours dans mes honnêtes, tu mens si tu dis que tu m'as vu. Ni, ma crois pas que j't'oublie. Toi, c'est mieux que tu détends, tu fais la maline. Quand j'ai copié mes minutes, t'as plus de temps. Je jute, je reste dans la douche. Je suis sur le sang, t'es sur la touche. Même diamètre de chat que quand elles accouchent. Je suis dans ses jets, je roule un cône. J'ai capté ta pute, qu'est-ce qu'elle est bonne. Juste besoin que je l'appelle au téléphone. Je la soulève, elle parle, les dents qui volent. Lyonzon, c'est nous, c'est pas vous. On vous connaît pas, on n'est pas potes. Salope. Arrêtez de suer, c'est juste pour pop. C'est une seule calibre chez Guapo. C'est dans le pogo qu'on t'a saigné. Au ciné le dimanche, j'emmène ta go. T'as écouté Lyonzon, t'as halluciné. T'as écouté Lyonzon, t'as halluciné. J'suis foncé, c'est plus, j'envoie des signaux. Sur son cul avec mon jus, je vais dessiner. Mon pop t'a acheté des vues, et ça te dérange pas. Sur scène, ça parle chimie pour savoir qui sont les chauds. Pas besoin de débat, pas besoin de débat, sale pute. Avec toi, maintenant c'est nous les meilleurs. Tu nous veux dans ta vidéo. Je partage pas tes idéaux. Hey, oh mino, nous on se construit. Si y'a Heja, t'es tout seul, pas où seul on s'y trouve, t'es comme Cendrillon. Que du paraître, mec disparaisse. Maintenant on est 10 ou plus. Tout est carré de plus, prends pas le plus. Donne des thunes à un taxi. T'es comme Pachi, on veut pas te suivre. On donne pas de suite à tes sons. Mais on sent ta meilleure production. Ah, non, tout ça c'est spécial. On tabasse assez sale ta vieille tête. Aucun charisme, aucun move. Bouge des types de 16 piges, te mettent mal. Même mon cachet dans la malle. Tu t'as pas mal, mais pour nous c'est carré. Bah, faut que tu penses à te barrer. Tu penses à te barrer.